Nouveau temps de la matinale des droits et libertés. Aujourd'hui, un sujet brûlant, omniprésent dans la vue des jeunes et dans nos vies à tous. Internet renforce-t-il les stéréotypes de genre ? C'est un thème qui touche à la fois la sociologie, la psychologie, le droit et nos usages quotidiens. Et pour nous éclairer, on reçoit Amal, qui a travaillé seul sur ce dossier avec beaucoup de rigueur et d'exemples très parlants. Merci d'être avec nous. Merci, je suis ravie d'être là. Amal, vous commencez votre travail par une idée forte. Internet n'invente pas les stéréotypes de genre, mais il les reflète et parfois les renforce. Pourquoi cela ? Internet donne l'impression d'être dans un espace libre, ouvert, où chacun peut s'exprimer. Mais en réalité, il reproduit les biais de la société. Ce qu'en pensent des femmes et des hommes hors ligne, on le retrouve en ligne. Par exemple, sur les réseaux, beaucoup d'influenceuses sont associées à la beauté, la mode ou même la maternité. Tandis que les hommes dominent des contenus sur le sport, la technologie ou même l'économie. Ce ne sont pas des règles écrites, mais des habitudes de consommation qui renforcent les clichés. Et vous insistez sur le rôle des algorithmes. Qu'est-ce qu'ils changent ? Les algorithmes veulent capter l'attention. Ils mettent en avant les contenus qui marchent le mieux. Et comme les stéréotypes de genre sont très populaires, ils sont très visibles. Résultat, les mêmes images reviennent en boucle, les mêmes attentes genrées, les mêmes modèles masculins et féminins. Ce n'est pas volontaire, mais ça amplifie les clichés déjà existants. Vous donnez aussi des exemples très concrets de conséquences pour les jeunes. Oui, sur Instagram ou TikTok, les filles voient énormément d'images valorisant la beauté, la minceur ou même la séduction. Les garçons, eux, voient des modèles virils, sportifs, performants. Cela peut entraîner des complexes, des troubles alimentaires, de l'harcèlement, de la pression à être un vrai homme ou même l'hypersexualisation des mineurs. Les réseaux font circuler des normes très fortes, souvent sans que les utilisateurs s'en rendent compte. L'étude de Plan International France montre que la pression corporelle sur les jeunes filles augmente fortement avec les réseaux sociaux. L'étude de l'Association américaine de psychologie montre que les garçons sont davantage exposés à des contenus sur la performance physique et la virilité, avec effet sur l'estime de soi. Dans votre travail, vous rappelez que le droit tente de limiter ces dérives. Quelles sont les règles principales ? En France, l'égalité entre les femmes et les hommes est inscrite dans la Constitution. Et plusieurs lois encadrent les comportements sexistes en ligne. La loi du 3 août 2018 crée le délit de harcèlement sexiste, y compris en ligne. Digital Services, qui impose aux plateformes de modérer efficacement les contenus illégaux. Et le code pénal, qui sanctionne les injures sexistes, les menaces et même l'harcèlement. En théorie, les plateformes doivent réagir. En pratique, la modération est souvent trop lente ou inégale. Vous terminez en montrant que tout n'est pas négatif. Internet peut aussi être un outil de lutte et de libération. Oui, complètement. Internet diffuse des stéréotypes, mais il permet aussi de les combattre. Par exemple, des créatrices comme Léna Situation ou Marion Séclin dénoncent publiquement le sexisme. Des mouvements sont nés en ligne, par exemple le mouvement MeToo, Balance ton corps, Body Positive, MeToo Inceste, Girl Super Girl. Les jeunes peuvent créer des communautés LGBT, féministes, anti-discrimination. Pour beaucoup de personnes, notamment les plus isolées, Internet devient un espace de soutien et de liberté. Si on résume votre travail, Amal, Internet n'invente pas les stéréotypes, mais il peut les amplifier. Et pour que ça change, il faut éduquer aux médias, apprendre à repérer les clichés, comprendre les algorithmes et développer l'esprit critique. Oui, Internet peut reproduire le pire, mais aussi permettre le meilleur. C'est à nous de choisir ce qu'on en fait.